20e siècle, quand l'oxygène commençait à nous pomper l'air, on allumait des pathogènes, histoire de nous calmer les nerfs. On savait que ce n'était pas bon, mais ça nous mettait bien à l'aise de voir briller ces quelques braises en égratignant nos poumons. Mais aujourd'hui, comment décrire ce qui ne vit plus qu'en souvenir, ce qui est maintenant interdit, ce qui est sévèrement puni. Dans notre belle méga-city, notre modèle sécuritaire, notre Eden et notre paradis, mais notre enfer totalitaire. Siècle, contrôle lucide, on se posait trop de questions. On optait pour un long suicide et l'on débouchait en flacon. Comme un roi sur son trône, en chancelant alcoolisé, on détenait la vérité en consumant quelques neurones. Mais aujourd'hui, comment décrire ce qui ne vit plus qu'en souvenir, ce qui est maintenant interdit, ce qui est sévèrement puni. Dans notre belle méga city, notre modèle sécuritaire, certains étaient un paradis, mais un enfer totalitaire. Avec mes vagues souvenirs, tu me trouves un peu pathétique. C'est que ce monde aseptisé me rend souvent bien nostalgique. Pose la bouteille près de lit, renverse-la, renverse-moi. Aimons-nous toute la nuit dans une forte odeur de tabac. Retournons les règles établies, allume-toi, allume-moi et soumets-toi à mes envies. Si tu le veux une dernière fois, avant que l'amour aussi ne soit soumise à condition, avant que l'amour aussi ne devienne condition.